que j'aime par-dessus tout. Ce que j'aime par-dessus toi, c'est voler tous les jours au-dessus de tout. C'est voler toutes les nuits au-dessus de toi. Ce que j'aime par-dessus tout. Ce que j'aime par-dessus toi, c'est voler tous les jours au-dessus de tout. C'est voler toutes les nuits au-dessus de toi. Je sais, elle. Je ne souhaite pas rester sur terre pour perdre mon temps. J'aimerais pouvoir te dire et te faire ce que tu attends.